Le testament de Jésus. Testament en Galilée de notre Seigneur Jésus-Christ. Patrologia Orientali 1913, volume 9. Traduit du Guès par Guerrier et Grébeau. Pour moi j'ai vu le dehors et le dedans, l'apparence et la réalité doublement inouïe et merveilleuse des œuvres de la justice. Écoutez, fils de lumière, faites attention à la parole de votre Père, car je vous révélerai ce qui arrivera dans le monde. Que ceux qui l'apprennent et croient en moi craignent. Quant aux pécheurs qui ne croient pas en moi, en ne reconnaissant pas mes propres signes, et qui pourchassent mes amis, ceux-là seront pourchassés par la flamme du supplice et livrés au feu qui châtiera leur intelligence. Aussi le Séol a ouvert sa bouche aux impiétés des enfants des hommes et voulu remplir son sein des fruits de la racine de perdition. Leur perdition est cachée dans les jours, mais elle sera dévoilée au dernier jour, car la parole sera entendue et elle le réprimandera. Le monde sera lourd au petit nombre des jours, car moi-même je ne leur donnerai pas d'aide. Le royaume d'Orient sera détruit et se revêtira du deuil, l'Occident se préparera lui-même, le Sud sera dans l'épouvante, et le Nord se tiendra à l'écoute et il se désagrégera. Les autres qui resteront seront détruits lorsque le jugement se rapprochera, lorsque les jours approcheront l'accomplissement des Écritures. Des signes et des prodiges surviendront dans le ciel et sur la terre avant qu'ait lieu la fin du monde. Dis-nous et enseigne-nous, avons-nous dit. À vous, je vous dirai sûrement, je vous enseignerai. Ce n'est pas à vous que cela arrivera, mais à ceux que vous aurez enseignés, ceux qui croiront en moi. Mes fidèles, ainsi que ceux qui ne croiront pas, entendront le souffle de la trompette arriver du ciel sur la terre avec la chute des étoiles comme du feu, et de grandes étoiles qui apparaîtront durant le jour. Une étoile d'Orient apparaîtra en feu, le soleil et la lune seront en train de lutter, constante terreur, épouvante du tonnerre, des éclairs et éclats de tonnerre, constant tremblement de terre. Les villes tomberont et les hommes mourront sous les décombres. Il y aura de continuels tremblements de terre suite à la disparition de l'eau. Les profondeurs seront desséchées, les fleuves disparaîtront, et la mer se retirera. Une grande peste et la mort surviendront pour beaucoup au point que les funérailles et aux morts fassent défaut et que vienne la guerre des enfants contre leurs parents du même lit. Il y aura du mépris entre eux-mêmes parentés, l'homme ne se tournera pas vers l'homme. Ceux qui furent délaissés ressusciteront pour avoir ceux qui les ont laissés sans les retirer de la ruine, parce que la souffrance et l'envie s'étaient emparées d'eux par haine. On gémira contre ceux qui n'ont pas écouté l'ordre, et mon Père Céleste se mettra en colère à cause des hommes malicieux, car les péchés que les hommes font par la corruption et l'impureté sont nombreux. Et la prophétie s'accomplira. Je t'ai vu lorsque tu courais avec le voleur, que tu t'associais à l'adultère, que tu outrageais le fils de ta mère, que tu alentissais l'iniquité et causais un grand scandale au fils de ta mère. Avais-tu envisagé que je devienne comme toi, que je sois le témoin de ton acte fautif tout entier? Voici ce que j'avais à dire. Vous de votre côté, dites à Israël et aux nations d'écouter et de croire afin qu'ils soient sauvés et échappent à la colère et la flamme de feu qui vient. Écoutez aussi ceci, fils de lumière. Dès que le Seigneur viendra, à son approche les anges s'éloigneront des fruits des arbres et des fleuves des abîmes. Une chaleur ardente surviendra sur les fruits et ce qui subsistera après la chaleur sera mangé par les sauterelles. Et plus le pervers s'approchera, plus Satan parlera et chantera aux quatre coins du monde. Judée, revêt-toi de gémissements. Toi qui élèves tes murailles, ouvre tes portes, élargis ton enceinte, pars-toi des ornements de ta jeunesse, embellis-toi pour tes bien-aimés, prépare ton trône pour ton roi. Prépare-toi pour le jour de la corruption, où viendra ton affliction. Phénicie. Le glaive entrera en elle parce qu'elle a des fils de perdition. Pamphylie et tout le littoral. Saint-Terrain d'air et de fer, cache les étrangers, prépare des navires pour la fuite, car la mer deviendra un sépulcre pour ceux qui resteront en toi. Pisidie orgueilleuse, qui te confie en ta richesse. Tu disparaîtras dans la terre et seras foulé aux pieds à cause de tes actions, c'est pourquoi je ferai surgir contre toi des rois pour la perdition, qui répandront ton sang, ton âme sera avec ceux qui descendent dans le Shéol. Les fleuves de Lycaonie seront mêlés de sang. Pont et Bithynie. Vos adolescents tomberont sous le tranchant du glaive, vos fils et vos filles seront captifs, et les murs du pont en larmes. Cappadoce, Phrygie, Lycaonie. Courbez vos dos sur votre terre, car beaucoup de peuples vous fouleront aux pieds, les camps s'ouvriront et les armées sortiront pour envelopper toute la terre et détruire les temples d'Arménie. La Syrie sera captive et se lamentera sur ses fils. La Cilicie tendra le cou jusqu'à ce qu'apparaisse celui qui la jugera. Lève-toi, fille de Babylone, qui siège sur un trône, qui te repose dans la gloire, bois ce qu'on a puisé pour toi. Il parla ensuite du séducteur antéchrist venu pour la perdition, qui calculera nos maux et nous montrera d'autres afflictions encore. L'impur est proche et vient, le chemin s'ouvre pour lui, un glaive brûlant dans la main, feu de sa colère et de son indignation, l'arme du supplice. Il est l'organisateur né pour la corruption, celui qui répand le sang, sa force est dans la séduction et la tromperie dans sa main, torture à sa main droite, ténébreux à sa gauche. Voici sa caractéristique. Sa tête est flamme du feu, son œil droit mêlé de sang, son gauche est de mort, ses pupilles sous ses paupières sont blanches, sa lèvre est large ainsi que ses pieds, et ses jointures tordues. Le temps de la récolte est arrivé pour la faucille de la perdition, et il récoltera ceux qui sont dus pour le supplice. Il se donnera comme un auprès de beaucoup, il se louera lui-même de ses actions par la pensée de son intelligence. Le Seigneur apparaîtra à ceux qui se confient en lui, un grand signe apparaîtra quand il viendra et seuls mes amis le sauront, ceux qui auront gardé les ordres de mon Père et auront répudié l'or et l'argent des richesses de ce monde et les biens de la terre. Je recevrai cela moi-même en ce jour où leur visage brillera sept fois plus que la lumière du soleil, ils deviendront pour moi mon peuple de fils et de filles, je deviendrai pour eux l'autel, ils deviendront pour moi un temple, et je leur exposerai la volonté de mon Père et le jugement de ce monde. Je les placerai parmi mes anges et ils se réjouiront pour des milliers d'années sans nombre, parce qu'ils ont été trouvés avec ceux qui aiment mon nom plus que leur personne, et qu'ils ont souffert au milieu du monde séducteur, et ont détesté toute condition de repos. Nombreux sont ceux qui rejettent haineusement les ordres du Seigneur et persécutent les justes tourmentés. Ceux qui aiment ce monde, ils seront livrés au supplice des flammes ardentes, qui consumeront les désirs de leur méchant cœur. Nombreux sont ceux qui tiennent ma volonté d'exiger des sacrifices d'animaux, qui répandent le sang en mon nom en sacrifice pour le péché, et me traitent comme une idole en agissant ainsi. Alors que par les prophètes j'ai commandé à leur père de ne pas manger la chair de cadavre, ni en boire le sang. Mais parce qu'ils sont charnels, ils me considèrent comme charnel. Mon jugement viendra aussi contre les évêques qui font dévier mon peuple suivant le désir de leur plaisir personnel. Je leur avais dit par le prophète Saïa. J'ai ordonné de pleurer, se lamenter, se raser la tête et ceindre le sac, mais eux se réjouissent en égorgeant des bœufs et immolent des brebis en disant « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » C'est monté jusqu'aux oreilles du Dominateur de l'Univers Tout-Puissant, Seigneur Sabaoth a dit « Ce n'est pas par vous que cette faute sera expiée jusqu'à votre mort. » Le sacrifice au Seigneur est un esprit doux, un cœur doux et pur. Cela le Seigneur ne le méprise pas. Tournez-vous vers moi, vous tous, et je me tournerai vers vous aussi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne devenez pas comme vos pères, qui ont mangé la manne dans le désert, mais n'ont pas reconnu la grâce du Seigneur. Comme disent les prophètes, elle n'était pas connue de ceux qui désiraient la chair, rassasiés du mauvais désir de leur cœur, ainsi qu'il a dit. Mon peuple a mangé de la viande et bu du vin, ils sont devenus bouffis de graisse, ils ont frappé du pied le bien-aimé. Le sacrificateur et le prophète même prophétisent par le vin. Alors que les fils de Jonadab, fils de Rechab, n'ont pas bu de vin par les ordres de leur père. Je vous dis, demeurez dans la justice par crainte du Seigneur. Car vous n'avez rien à porter dans ce monde et vous n'en pourrez rien emmener non plus, vous êtes entrés nus dans ce monde et en sortirez nus. Acquérez seulement la justice par amour du Seigneur. Lorsque les jours de la fin seront proches, les mauvais se dresseront pour persécuter les justes et ceux qui craignent le Seigneur. Ils les châtieront suivant le désir de leurs pensées aveugles. Les pécheurs querelleront les justes, et les persécuteront avec mépris et diront d'eux de mauvaises choses. C'est pourquoi le Seigneur les rejettera dans un feu qui jamais ne s'éteint et au ver qui jamais ne dorme. Lorsque toutes les créatures seront sous l'ardeur du feu, que le soleil et la lune ne donneront plus leur lumière et que les eaux se tariront et les fleuves se dessécheront, le ciel sera roulé et la terre sera frappée quand le Seigneur se lèvera pour juger son peuple et rétribuer chacun selon ses actes, d'après ce que la parole dira par sa justice. Les justes qui ont marché sur la juste voie hériteront de la gloire du Seigneur et de sa puissance, ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, et ils se réjouiront dans mon royaume aux cieux.